je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le nom de mon Dieu, car il est mon salut. Je veux me réjouir dans le nom de Jésus. Je veux me réjouir dans le nom de Jésus. Oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le nom de mon Dieu, car il est mon salut. Je veux me réjouir dans le nom précieux de Jésus. Il me prend la main, il me donne son esprit. Avec tous ses dons, oui, il comble ma vie. Il me donne sa joie, son amour et sa paix. Sa grâce m'environne et je suis libéré. Il me tend la main, il me donne son esprit. Avec tous ses dons, oui, il comble ma vie. Il me donne sa joie, son amour et sa paix. Sa grâce surabonde et je suis libéré. Je veux me réjouir dans le nom de Jésus. Oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le nom de mon Dieu, car il est mon salut. Salut, je veux me réjouir dans le nom.